Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Ben oui, c'est en début 1968 que cet énorme tube est paru par le groupe américain Candid sur leur deuxième 33 tours vinyle, bien sûr, à l'époque, Boogie with Candid. Je dis tube, mais en fait, au début, ce titre est paru au milieu du disque et je ne sais pas s'ils avaient conscience du potentiel. En tout cas, moi, quand j'ai acheté l'album au printemps 1968, ce n'est pas le morceau qui m'avait tout de suite marqué. Par contre, quand l'été est arrivé, ça a commencé à exploser partout. Même dans les boîtes de nuit, on l'entendait. Alors, ce morceau est chanté non pas par Bob Height, qui était le chanteur habituel, mais par Alan Wilson, le guitariste harmoniciste et occasionnellement chanteur sur quelques morceaux, dont ce « On the Road Again ». Quand on regarde les pochettes, on s'aperçoit que suivant les éditions, c'est jamais le même auteur qui est indiqué. Alors sur Wikipédia, on dit que c'est inspiré d'un blues de Floyd Jones. Moi, je suis allé écouter ce titre, j'en suis pas vraiment convaincu. Mais peu importe, il reste un tube extraordinaire, un morceau que l'on écoute et que l'on écoutera dans les décennies et peut-être siècles à venir. Alan Wilson est décédé le 3 septembre 1970. Il fait donc partie du Club 27, des artistes décédés à 27 ans. Bob Height, le chanteur habituel, lui est décédé le 5 avril 1981. Et Henry Vestein, guitare, est décédé en 1997, octobre, à Paris. Les deux survivants du groupe, si l'on peut dire, sont Larry Taylor à la basse et Adolfo Fito de la Parra à la batterie. Ce dernier continuant à faire vivre le groupe lors de tournées et de festivals. Chronologiquement, nous allons commencer ce Blues Covers consacré à On the Road Again avec Andy Preboy en 1990. C'est la musique du film de Hitman avec Chuck Norris. Andy Preboy en 1990. We'll be right back. après l'américain Andy Priboy en 1990, voici le groupe anglais Dr. Feelgood en 1996 sur l'album du même nom, On the Road Again. C'était Dr. Feelgood en 1990. Et nous voici en France avec un groupe qui n'existe plus malheureusement, Bulldog Gravy. C'était un groupe franco-américain puisque le chanteur, leader Mike Green était américain. C'est d'ailleurs le seul gars que j'ai rencontré qui était spectateur à Woodstock, vous vous rendez compte. Bref, revenons à Bulldog Gravy, leur version de On the Road Again avec ce groupe qui a gagné le tremplin blues sur scène en 2004 et enregistré cette version. Les musiciens, enfin la formation était très originale car il y avait des percussionnistes avec des enclumes, des marteaux, des tas de trucs venant de forges, de fer forgé. des chaînes. Bulldog Gravy. So tired of traveling out in the rain and cold, in the rain and cold. Traveling out in the rain and cold, in the rain and cold. Without no favor, without no place to go.

C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.